Je voulais pleurer. Bien loin de tes yeux, j'irai me cacher. Car je suis fier et ne veux pas montrer le chagrin de ma vie. Et j'irai pleurer sous la pluie. Pour laisser mes larmes couler, j'attendrai l'orage et la pluie pour pleurer. Je t'aime encore et tu dois ignorer le chagrin de ma vie. Et j'irai pleurer sous la pluie. La pluie sur mon visage n'effacera jamais ton souvenir. Et tu ne sauras jamais pourtant combien je t'aimais, combien malgré toi tu me fais souffrir. Mais un jour je partirai en souriant sous le soleil de mai. Mais en attendant ce jour qui ne vient pas, je suis à ta merci. Et j'irai pleurer sous la pluie. Et j'irai pleurer sous la pluie. Et j'irai pleurer sous la pluie.